Chut, voici mes enfants. Je les vois qui traversent la cour. Je n'aurai jamais rien su par vous. Je vous en donne ma parole d'honneur, car je ne veux pas que vous perdiez la confiance du baron. Bien au contraire. Il doit joliment aimer cette femme, mon compère. Oh, il en est fou, dit la cousine. Il n'a pas su trouver 40 000 francs pour établir sa fille, et il les a dénichés pour cette nouvelle passion. Et le croyez-vous aimé ? Demanda Crevel. À son âge, répondit la vieille fille. Oh, suis-je bête ! S'écria Crevel. Moi qui tolère un artiste à Héloïse, absolument comme Henri IV permettait Bellegarde à Gabriel. Oh, la vieillesse, la vieillesse ! Bonjour Célestine, bonjour mon bijou, et ton moutard, ah, le voilà ! Parole d'honneur, il commence à me ressembler. Bonjour Hulot, mon ami, cela va bien ? Nous aurons bientôt un mariage de plus dans la famille. Célestin et son mari firent un signe en montrant Lisbeth, et la fille répondit effrontément à son père. Lequel donc ? Crevel prit un air fin qui voulait dire que son indiscrétion allait être réparée. Celui d'Hortense, reprit-il, mais ce n'est pas encore tout à fait décidé. Je viens de chez le bas, et l'on parlait de Mademoiselle Popinot pour notre jeune conseiller à la cour royale de Paris, qui voudrait bien devenir premier président en province. Allons dîner.